Le statut de l'excuse par l'ignorance dans les affaires qui se rattachent à la croyance. Abdelaziz ibn Abdullah ibn Abdelrahman ibn Abbas. Question. Quelle est l'opinion de votre excellence en ce qui concerne la question de l'excuse par l'ignorance, particulièrement dans les affaires se rattachant à la croyance? Éclaircissez-nous sur cette question, qu'Allah vous récompense par un bien. Réponse. La croyance est la plus importante des affaires et c'est la plus grande obligation. Et son sens propre est la foi en Allah et ses anges, et ses livres, et ses messagers, au jour du jugement, au destin, et ce qu'il contient de bon ou de mal. Et la foi qu'il est, subhana, celui qui mérite de se faire adorer, et qu'on lui atteste cela, ce qui est l'attestation, la ilaha illallah. Le croyant témoigne qu'il n'y a pas de vrai adoré si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, qu'Allah envoya pour les deux espèces, les djinns et les êtres humains, et il est le sceau des prophètes. Tout cela est impératif. Ceci est le cœur même de la croyance. C'est donc une chose impérative pour tous les hommes et les femmes, et c'est le fondement de la religion, le fondement de la croyance, tout comme il est obligatoire d'avoir foi en ce qu'informe Allah et son messager, et en ce qui concerne le jour du jugement, le paradis, l'enfer, la récompense et le comptage, et que les feuilles seront déployées, qu'on prendra les gens par leur droite ou leur gauche, et que les actions seront pesées, etc. Parmi ce qui est venu avec les versets coraniques et les hadiths. L'ignorance dans ces choses-là n'est pas une excuse, mais au contraire, il lui est obligatoire d'apprendre ces choses et qu'il réfléchisse. Et il n'est pas excusé par sa parole « Je suis ignorant de ces choses-là », alors qu'il vit entre les musulmans et que le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sont parvenus. C'est ce qu'on appelle un indifférent, insouciant qui fait exprès de ne pas savoir cette chose très importante, alors il n'est pas excusé, comme Allah subhanahu l'a dit. Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du sentier. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. La sourate 22, verset 44, et la sourate 7, verset 179. Et Allah Ta'ala dit de leurs semblables, « Ils guident une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. » Sourate 7, verset 30. Et il y a d'autres versets comme ceci, dans lesquels Allah n'excusa pas les injustes pour leur ignorance et leur indifférence et leur insouciance. Mais pour celui qui vit loin des musulmans, dans les fins fonds des pays dans lesquels il n'y a pas de musulmans, et à qui n'est pas parvenu le Coran et la Sunna, celui-là est excusé, et son statut est celui des gens de la fitra. Et s'ils meurent ainsi, ils seront testés au jour de la résurrection. Celui qui répondra et obéira à cet ordre entrera alors au paradis. Quant à celui qui désobéira, il ira en enfer. Pour ce qui est des questions qui sont quelquefois ignorées chez certaines personnes, comme par exemple certaines règles sur la prière, sur la zakat, sur le pèlerinage, dans ces choses-là, il se peut qu'on soit excusé par l'ignorance. Il n'y a aucun mal à cela, car beaucoup de gens n'y ont pas accès, et tout le monde n'a pas la capacité de les comprendre. Pour ces questions, la chose est moins grave. Ce qui est obligatoire aux croyants, c'est qu'ils apprennent et comprennent la religion, et qu'ils interrogent les gens de science, comme Allah subhanahu le dit. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate 16, verset 43. Et on rapporte du messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit à des gens qui donnaient des fatwas sans science. Ne demandent-ils pas lorsqu'ils ne savent pas? Certes, le remède de l'ignorance, c'est l'interrogation. Rapporté par Abu Daoud dans le livre de la purification numéro 284. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui par qui Allah veut un bien, il lui fait comprendre la religion. Rapporté par Bukhari Muslim. Donc, l'obligatoire pour les hommes et les femmes parmi les musulmans est de comprendre la religion et d'interroger au sujet de ce qui leur pose problème. Et ne pas se taire au sujet de leur ignorance et ne pas être indifférent ni insouciant, car ils furent créés pour adorer Allah et pour lui obéir. Subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun autre moyen pour cela que la science. Or, la science ne vient pas par l'insouciance et l'indifférence, mais au contraire, en demandant la science. Il faut donc impérativement interroger les gens de science afin que l'ignorant apprenne. La source, Majmou al-Fatawa ou al-Maqalat, volume 9, de la page 398 à la page 400. Note, je me désavoue de ce savant, ainsi que de tous les savants du mal.